Chapitre 2. Des objets de l'imitation poétique. L'imitation poétique ayant pour objet de représenter des hommes qui agissent, il est nécessaire que ces hommes soient bons ou méchants, car c'est en cela que les mœurs consistent. C'est par la bonté et la méchanceté que les hommes diffèrent entre eux quant aux mœurs. Il faut donc que les poètes peignent les hommes ou meilleurs qu'ils ne sont ordinairement, ou pires qu'ils ne sont, ou tels qu'ils sont, comme font les peintres. Polignotte les peignait plus beaux que nature. Poson plus laid, Denis comme ils étaient. Or, il est clair que les imitations dont nous parlons ne sont différentes que selon la diversité qui se trouve dans leur sujet. Ces différences peuvent se trouver dans la danse, dans les airs de flûte et de sitar, dans les discours, soit en prose, soit en vers, sans accompagnement de chant. Homère a fait les hommes meilleurs qu'ils ne sont. Cléophon les a faits comme ils sont. Hégémon, inventeur de la parodie, et Nicocharis, auteur de la Déliade, pire qu'ils ne sont. Il en est de même des dithyrambes et des nomes. On peut faire comme Timothée et Philoxène, qui ont imité l'un les Perses, l'autre les Cyclopes. Enfin, la même différence se trouve dans la tragédie et dans la comédie. Celle-ci fait les hommes plus mauvais qu'ils ne sont aujourd'hui, la tragédie les fait meilleurs.